France, Égypte, fascination mutuelle, voilà le thème de la série de la Fabrique de l'Histoire qui commence alors que l'élection du président Al-Sisi en Égypte est en cours. Réélection déjà écrite du président égyptien, mais aussi inauguration mercredi de la nouvelle exposition de l'Institut du monde arabe à Paris sur le canal de Suez. Voilà qui nous a poussé à la Fabrique de l'Histoire à aborder cette semaine la fascination entre France et Égypte. Demain, le documentaire de Victor Massé de Lépinay et de Marie-Laure Ciboulet traitera de la naissance de l'égyptologie en France, mercredi du canal de Suez et jeudi de Louis IX, dit Saint-Louis, en croisade en Égypte. Et aujourd'hui, nous allons, avec Victor Massé de Lépinay, qui co-anime cette émission avec moi, nous approcher de la fascination fictionnelle pour l'Égypte pharaonique avec nos deux invités. Lorenzo Medini, il est enseignant à l'université Paris-Sorbonne, il est égyptologue, auteur entre autres d'un article sur Hermopolis gréco-romaine et les limites de l'archéologie d'une ville disparue. Et il s'intéresse également aux jeux vidéo. Il participera à une opération qui est montée à l'université de Montaigne de Bordeaux qui s'appelle Montaigne in Game, il nous en parlera. Nolwenn Koryu est également avec nous, elle est professeure agrégée et enseignante à Paris 1 et auteur d'une thèse soutenue en décembre dernier sur le retour de la momie du gothique impérial au roman archéologique britannique entre 1885 et 1937. Rien ne m'effraie plus comme la fausse accalmie d'un visage qui dort. Ton rêve est une Égypte. Et toi, c'est la momie avec son masque d'or. Bonjour Victor Massé de Lépinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lorenzo Medini. Bonjour. Et bonjour à vous, Nolwenn Koryu. Ça n'est pas un auteur britannique, en l'occurrence, qui s'exprime à travers cette phrase « Ton rêve est une Égypte et toi, une momie au masque d'or », mais c'est Jean Cocteau, ce qui prouve qu'effectivement, entre les auteurs français et les auteurs britanniques, il y a cette fascination mutuelle de l'Égypte dont nous allons parler dans un instant avec vous, Nolwenn Koryu, mais également avec vous, Lorenzo Medini. Alors, vous êtes égyptologue. Quand on devient égyptologue parce qu'on a soi-même, en soi, une petite fascination, justement, pour ces civilisations disparues, ou ça n'a strictement rien à voir? Dans mon cas, je dirais que c'est plutôt une grande fascination, mais oui, généralement, on a un grand intérêt qui nous anime. Sinon, autrement, je pense qu'on choisirait d'autres métiers. Là, le problème ou l'avantage, c'est qu'on fait d'une passion un métier. Oui, donc, comme pour le padouan Gian Battista Belzoni, c'est ça, auquel est consacrée une tout très fait. Chouette bande dessinée qui signée Grégory Jarry, Lucie Castel et Nicole Augereau, qui est un des pères de l'égyptologie moderne et qui est commun à vous deux d'une certaine façon, parce que il est à la fois celui qui en Grande-Bretagne va fasciner le public par sa relation de ses voyages en Égypte dans les années 1820, mais aussi celui qui va en raptant un peu beaucoup les œuvres et les chefs-d'œuvre de l'Égypte ancienne, poser les bases avec d'autres de l'égyptologie, en l'occurrence Lorenzo Medini. Oui, tout à fait. C'est aussi un peu à la lisière entre l'aventurier. Déjà, on a un peu un aspect romantique du chercheur qui est très proche du pilleur finalement, mais qui effectivement dont le travail a permis de connaître en Europe un certain nombre d'objets, de monuments qui du coup sont aujourd'hui dans nos musées. Mais comment fait-on quand on est égyptologue justement pour défaire les fils de ce récit sur l'Égypte qui est un récit fictionnel depuis déjà deux siècles, et puis du récit scientifique sur cette même Égypte? C'est-à-dire, comment fait-on pour détisser tout cela? Est-ce qu'il est possible de détisser tout cela, ou est-ce qu'au bout du compte, on est obligé de tenir compte de la façon dont le public a été nourri de fiction sur l'Égypte et de se débrouiller avec? C'est peut-être une des culture qui est la plus difficile dans ce sens-là, parce que certes, il y a des fascinations pour la Grèce ou pour Rome, mais pour l'Égypte, il y a vraiment un tissage très étroit. Oui, je pense qu'il faut effectivement prendre en considération les idées reçues, en quelque sorte, qui ont été alimentées au cours de siècles, et en plus, toute la fascination qui, avant même la découverte, des hiéroglyphes a permis en quelque sorte de créer un mythe. Enfin, c'est, quand on parle d'égyptomanie, je pense que le terme est bien choisi et on peut déjà voir cela même auprès des Romains qui pourtant n'étaient pas si éloignés que ça de la civilisation pharaonique proprement dite. Donc quand on s'adresse au grand public, oui, c'est un élément qu'il faut prendre en considération et de mêler les deux choses est plus complexe parce qu'il faut partir de l'idée qu'un certain nombre de choses qui, pour nous qui travaillons en tant que chercheurs sur ce domaine, sont peut-être évidentes et en fait ne le sont pas du tout. Elles ne le sont pas parce qu'elles ont été brouillées par des récits qui viennent obscurcir la relation que l'on peut avoir aujourd'hui avec ce passé des pharaons. Il y a ça, elles ne le sont pas toujours parce que aussi la vulgarisation qui est faite, parfois, je pense au film, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est sûr que l'image qui est donnée, après, contribue à éloigner encore plus ce que pouvait concrètement être l'Égypte pharaonique de l'image que nous avons aujourd'hui. Victor Massé-Lépinet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'expérience que vous allez faire bientôt à l'Université Montaigne de Bordeaux sur les jeux vidéo, parce que c'est aussi pour ça que nous vous avons invité aujourd'hui. Le dernier Assassin's Creed qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques mois, Assassin's Creed Origins, se passe dans l'Égypte antique. Et bientôt, vous allez commenter une partie. C'est ça. C'est une invitation d'un collègue, Nicolas Patin, de l'Université de Bordeaux. Qui est collègue spécialisé dans le nazisme. Oui, maître de conférence en histoire contemporaine, qui m'a proposé cette idée, à laquelle j'adhère avec grand plaisir, d'utiliser un jeu vidéo comme Assassin's Creed, pour une fois, en tant qu'outil pédagogique, dans la mesure où, contrairement à tout ce que je viens de vous dire, effectivement, il y a un travail en amont qui a été fait par l'équipe d'Ubisoft qui a conçu et réalisé le jeu, qui a contacté un certain nombre de spécialistes pour essayer, dans la mesure du possible, de restituer une image, disons, un peu plus authentique de ce que pouvait être l'Égypte. Alors, dans le cas du jeu, ça se passe au moment où Cléopâtre accède au pouvoir. Mmh. Et donc, c'est effectivement une idée que je trouve originale. Et donc en ce qui consistera à mon intervention, c'est effectivement une sorte de réaction. Le collègue va, ou un étudiant, je ne sais pas encore, jouera une partie et en fonction de ce qu'on verra, je vais réagir pour commenter tel ou tel point, pour voir dans quel cas effectivement c'est fidèle ou au contraire la restitution était un peu faussée par ces imaginaires dont on parlait à l'instant. Et vous avez préparé cette intervention qui va donc être une sorte d'improvisation. Est-ce que vous avez quand même préparé en jouant un peu à Assassin's Creed? Oui, je me disais qu'il aurait mieux valu au moins avoir vu une fois le jeu. Donc, un soir, avec un ami, on a testé un peu le jeu. Alors, c'était bien parce que c'était l'ami qui jouait dans la mesure où moi, je suis tout à fait incapable de jouer à ce genre de choses. Donc, déjà, c'était un premier commentaire live et on n'a pas eu la possibilité d'aller très loin. Mais effectivement, c'était une véritable... Oui, pour moi, en tout cas, c'était pas du tout évident. Alors, certainement, d'autres gamers trouveront ça bien plus facile, mais la promenade était très instructive. Alors, Lorenzo Mellini, ce qui est très intéressant, c'est que on se faisait la réflexion ce matin en préparant avec Victor Massé-Lépinet cette émission, c'est qu'on exige ou on demande des jeux vidéo ce qu'on n'a jamais exigé. Films sur le passé, des romans sur le passé, c'est-à-dire le bouton de guêtre, ce qu'on appelle le bouton de guêtre dans les films sur les grands conflits du XXe siècle, la qualité du détail d'une certaine façon, alors que d'autres supports de fiction ne sont pas on n'a pas la même exigence vis-à-vis de ces autres supports de fiction. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette idée que il faudrait que le jeu vidéo soit le plus juste possible, le plus vrai possible, le plus dans la plus grande véracité possible vis-à-vis de ce passé égyptien, par exemple? C'est une bonne question. Je pense que, comme ça, j'évoquerai peut-être deux raisons. À la fois, les moyens techniques qui permettent aujourd'hui, avec les jeux vidéo, j'en ai eu l'expérience moi-même en y jouant, effectivement, la possibilité, si on donne un certain nombre d'informations, de faire en sorte qu'elles soient reconstruites, retransmises à l'écran en 3D, donc avec une précision qui, peut-être, dans la même branche de jeux vidéo, avant, n'était juste pas possible. Je me demande également à quelle mesure, contrairement à un film, un jeu vidéo est en quête, en quelque sorte, d'une légitimation. Donc, pouvoir prétendre avoir une vérité historique avec dans des détails qui sont soignés, peut-être ce serait un moyen de prouver que la valeur du jeu vidéo n'est pas simplement l'aspect ludique, mm-hmm. mais peut apporter également d'autres aspects. Victor Massé de l'Épinay. Est-ce que d'abord, quand vous avez joué à ce jeu, Lorenzo Bellini, il n'y a pas eu... Est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la fascination, de l'émerveillement? Donc il faut rappeler que évidemment avec les images de synthèse, les créateurs d'Ubisoft ou de jeux vidéo peuvent reconstituer au bouton de guêtre près, puisqu'on part de rien, ce qu'était l'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ, et donc reconstituer entièrement le décor, mettre des couleurs sur les sphinx et tous les autres monuments. Est-ce que c'est quelque chose de... d'émouvant pour un égyptologue de voir ces images? Disons qu'effectivement, il y avait une grande curiosité de ma part, et surtout, c'est ce qui m'a frappé le plus, c'est la couleur, essentiellement, au sens où on a un peu l'habitude. Alors, probablement avec l'histoire de l'art grec, c'était encore plus flagrant, mais de voir tout ça avec justement l'absence de couleur, dans la mesure où les reliefs qu'on étudie, qui étaient peints, on le sait, mais dans, alors pas tout le temps, mais dans un certain nombre de cas, la couleur a disparu. Donc c'est vrai que le plus souvent, on a l'impression de voir juste la pierre, alors que là, au contraire, dans le jeu, on se balade au début dans un temple, et c'est sûr que c'est quelque chose d'assez frappant. Et les pyramides sont blanches, donc elles sont presque éblouissantes, alors qu'aujourd'hui, elles sont évidemment... cette couleur blanche a disparu du sommet de la pyramide, des pyramides de Gizeh, par exemple. Oui, après, donc dans la partie, comme je vous disais, j'ai pas eu la chance de voir les pyramides, mais d'après les images qu'on peut voir dans la bande-annonce du jeu, effectivement, on voit la présence du revêtement en calcaire pour donner cette couleur blanche aux pyramides. Alors, Lorenzo Bellini, pour un égyptologue que vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu schizophrène dans cette expérience que vous allez mener? Puisque d'un côté, vous écrivez un article sur Hermopolis gréco-romaine qui s'intitule « Les limites de l'archéologie d'une ville disparue » où vous dressez le constat de ce que, bien pour cette ville d'Hermopolis qui se trouvait, donc c'était la capitale de la 15e sépate de Haute-Égypte, dite du Lièvre, quand on y travaille, on sait qu'il n'y a pas de chance de pouvoir la reconstituer. Or, vous travaillez sur un jeu aussi qui tente de reconstituer au plus près possible le décor de cette Égypte du 1er siècle avant notre ère. Oui, complètement. Il y a un aspect certainement schizophrène. C'est aussi ce qui m'a motivé à participer à ce projet, parce que précisément, on peut constater des limites. Alors, le problème dans le domaine scientifique, c'est qu'il faut être rigoureux. Et bien sûr, dès qu'on franchit ces limites et on s'appuie, donc c'était le but un peu de mon article, de montrer qu'à partir du moment où il y a une hypothèse qui n'est pas assurée, si sur cette hypothèse on en bâtit d'autres, il suffit d'enlever une pour voir tout s'écrouler. Mais dans le cas d'un jeu vidéo, c'est aussi le mettre à l'épreuve ses limites et voir ce qui peut être fait et ce qui doit forcément relever du domaine de l'imagination. Je trouve ça très intéressant. Je pense que si l'équipe d'Ubisoft, du peu que j'ai pu voir, l'idée c'est effectivement de donner un certain nombre d'effets de réel, mais les éléments qui sont montrés à l'écran sont en certaines parties incohérents, au sens où on voit des choses très éloignées dans le temps qui sont les unes à côté des autres. Mais c'est un aspect intéressant. Nous sommes les premiers. Les premiers à voir les dieux. Les premiers à dompter leurs créatures. Les premiers à protéger les âmes du mal. Nous avons conquis cette terre et bâti un empire. On n'a pas la prétention de faire des jeux à vocation scientifique ou historique, et on n'a pas non plus pour vocation d'enseigner l'histoire. Par contre, l'histoire avec un grand H, on l'a définie comme étant le terrain de jeu de notre franchise. Une série d'actions-aventures qui se servent d'histoire comme un décor. « L'histoire comme un décor, c'est comme cela que présente Aymar Azizia, qui est donc un des concepteurs des contenus du jeu donc Assassin's Creed Origins, que vous avez pu voir et dont vous allez parler dans cette manifestation Mountain in Game à Bordeaux d'ici quelques jours, en l'occurrence Lorenzo Medini. Il y a une très bonne série d'Arte qui a été conçue par Benjamin Brio, qui est connu aussi sous le pseudonyme de Nota Bene, et qui fait des vidéos d'histoire sur le net qui ont énormément de succès. Sa série s'appelle History's Creed et s'intéresse justement à ce rapport complexe de l'histoire à la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo. Et il explique effectivement que une des questions qui est importante selon lui, c'est la façon dont le jeu vidéo doit faire prendre conscience des enjeux moraux ou des dilemmes moraux des acteurs, puisque ces acteurs doivent accomplir des gestes dans un quotidien qui est celui de la Révolution française, de l'Angleterre du XVIIe siècle ou encore de l'Égypte antique, et qu'effectivement cet apprentissage des dilemmes moraux rapproche de questions que se posent les historiens sur la vie quotidienne et sur les choix qui devaient être faits par les acteurs. Lorenzo Medini, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, la question de la vie quotidienne est certainement quelque chose d'intriguant, au sens où quand on essaie d'étudier une civilisation, on part aussi de l'idée qu'il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de documents écrits, mais c'est le produit de quelqu'un. Et ce quelqu'un, effectivement, l'homme qui vit en Égypte, essayer de le reconstituer dans son intégralité, c'est un des buts qui doit être fait. Après, dans ce côté, il y a toujours des limites assez importantes, malheureusement. Oui, les Égyptiens de la vie quotidienne en Égypte ne parlaient certainement pas avec la voix qu'on a entendue pour la bande-annonce. Non, j'en doute. C'était quand même une civilisation essentiellement agricole, loin du culte du secret. Néanmoins, c'est ça qui est intéressant avec cette nouvelle version du jeu. Il sait qu'il y a aussi l'équipe d'Ubisoft a véritablement créé un outil pédagogique, donc en parallèle du jeu, et ça s'appelle Discovery, Assassin's Creed Origin Discovery. C'est une façon c'est juste une interface, quelque chose pour se promener dans le décor intégralement reconstitué de cette Égypte antique, pour se promener, avoir des petites leçons ici ou là. Il y a 75 parcours thématiques qui durent de 2 à 20 minutes, quelque chose comme ça, et qui est censé devenir un support pour des professeurs de secondaire, voire peut-être de fac. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Apparemment, donc, dans l'idée de Mountain Game, l'épisode consacré à l'Égypte n'est qu'un parmi une suite de 5 ou 6 rencontres. Mm-hmm. Et les retours que j'ai eus des premières rencontres, qui étaient consacrées plutôt à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, ou Battlefield 1 avec Nicolas Patin, justement, ou encore Call of Duty, toujours avec Nicolas Patin. Exactement. À bord de Montaigne. C'était un succès, l'amphithéâtre était plein, et donc je pense aussi que ce n'est pas que pour le secondaire, mais même les étudiants de licence pourraient être un moyen pour expérimenter de nouvelles voies. Et bien sûr, et je pense que dans ce que nous avons entendu d'Ubisoft, le but n'est pas de remplacer les outils pédagogiques traditionnels, mais c'est celui de fournir un outil supplémentaire pour varier aussi les possibilités que nous avons de transmettre ces connaissances. Et effectivement, parfois aussi pour faire réagir dans certaines incohérences, ça peut être le point de départ pour une réflexion sur certains thèmes. Donc je pense que ça va enrichir certainement notre profession. Laurent Turcot, qui est professeur à Montréal d'histoire et qui a participé à la conception des Assassin's Creed, qui a d'ailleurs écrit sur ce sujet, dont on a déjà débattu ici même avec Jean-Clément Martin à propos de la version sur la Révolution française, dit en fait l'histoire est faite de trous. Alors que le monde d'Assassin's Creed est un monde plein. Et effectivement, ça pose des questions, c'est comment boucher les trous, parce qu'effectivement, pour une action qui va d'un lieu à un autre, il faut qu'il y ait un décor, il faut que ce décor soit imaginable. Parfois, on n'a aucune idée de ce décor en question. Il faut donc que les créateurs se nourrissent de ce savoir des universitaires. Et puis parfois, imaginent tout de même, mais tout compte fait, il y a une part d'imagination. Je ne comprendrais pas ce que écrivait Hayden White sur l'écriture historique, mais il y a une part d'imagination, en l'occurrence, et de récit, dans le travail historien, en l'occurrence, Lorenzo Medini. Alors oui, effectivement, c'était un de mes profs à l'université qui disait l'histoire, c'est du roman, donc de toute façon, effectivement... Ah bah dites-donc, il était très avancé, votre prof à l'université, pour dire ça. Il voulait, j'imagine, nous faire réagir, dans la mesure où c'était des cours le lundi matin, il fallait aussi un peu nous réveiller, certainement. Mais oui, bah, effectivement, les trous sont là. Après, on peut ne pas faire semblant qu'ils ne soient pas là, au contraire. Après, la question plus délicate, c'est la façon de les combler. Je trouve que dans ce qui est fait, dans ce contexte, c'est parfait. Dans un autre contexte plus scientifique, il faut effectivement, très bien si on veut le combler, mais à ce moment-là, faire comme dans une restauration, montrer quelle est la part du restitué de la part de l'originel. Mmh. Victor Massé de l'Épinay. Alors, pour certains jeux, pour certaines périodes, les questions soulevées sont... parfois idéologiques, en tout cas des questions politiques. On pense à Assassin's Creed Unity, dont Emmanuel vient de parler, qui se passait sous la Révolution française. Jean-Luc Mélenchon avait réagi pour dire que Robespierre était présenté comme un bourreau sanguinaire, ce qui n'était pas historiquement tout à fait véridique. Enfin, il y avait tout un tas de débats qui devenaient des débats idéologiques. Sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la Première Guerre mondiale, les questions sont les mêmes. Est-ce que pour un jeu sur l'Égypte antique, qui suscite peut-être moins de questions actuelles ou intimes dans la société française, par exemple, votre rôle dans ce que vous allez faire à l'Université de Bordeaux ne va pas être un peu que de pointer des petites erreurs, ce qui a, par exemple, déjà été fait, puisque maintenant, pour chaque version de Assassin's Creed, on a des spécialistes qui nous disent voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est moyennement d'ailleurs le cas, vrai, voilà vous, ce qui est vous faux. Vous pouvez lire, d'ailleurs, pour la dernière version sur Origine, vous pouvez lire les articles du Monde qui sont en ligne sur cette question-là, puisque la vie de Pixel, les gens qui travaillent sur la vidéo et les jeux vidéo dans le Monde, eh bien, c'est on a aimé ça, on a moins aimé, c'est plutôt pour vous si, etc., etc. Donc, comme une sorte de banc d'essai, comme pour les voitures ou des choses comme cela. Mais est-ce qu'il y a des enjeux quand même qui sont plus importants que simplement de pointer que quand des gens parlent le langage de l'Égypte antique, les traducteurs nous disent que ça ne veut pas dire grand-chose ce qu'ils racontent, ce qui est embêtant, mais finalement pas vraiment d'une certaine façon. Il y a certainement des enjeux. Après, je pense que c'est plus facile dans la mesure où nous sommes dans des époques plus reculées que la Révolution française, effectivement, de pouvoir porter un certain type de jugement sans... que nécessairement d'implication, comme ça a été le cas par exemple pour le portrait de Robespierre. Ça c'est plus facile, on est éloigné dans le temps et dans l'espace. Après, je pense que généralement ce type de jeu aussi, si on veut faire l'histoire de l'histoire, c'est plutôt voir un peu justement un jeu conçu aujourd'hui en 2018. Le type de représentation. Tout à fait, voir un peu, c'est loin de la représentation qu'on pouvait avoir dans Mankiewicz pour Cléopâtre ou qu'on aura peut-être dans 50 ans. Donc oui, c'est aussi un aspect important à prendre en considération. Après, généralement, cet aspect, je pense, pour l'Égypte, c'est aussi un peu gommé par le fait, surtout je pense aux politiques, par le fait de soit vouloir résumer à quelque chose le mystère de l'Égypte, le secret, tout ce qu'on ne sait pas, on nous a menti, ou alors le côté un peu amour, gloire et beauté, c'est les Ptolémées, c'est la décadence de l'Égypte, et ce genre d'images qui ont été véhiculées par des séries, comme je pense à la série d'HBO consacrée à Rome, où on voit toute une partie en Égypte, et là c'est vraiment la décadence. Donc il y a déjà des a priori assez forts, donc c'est plutôt contre ça qu'il faudra voir un peu comment les nuancer. Vous allez vous retrouver donc vous-même, Lorenzo Medini, à ce Mountain in Game, donc qui a commencé le 19 mars et qui se continue jusqu'au 12 avril. Vous serez le 9 avril pour évoquer justement en direct ce jeu Assassin's Creed Origins. Mais il y a évidemment, on l'a dit, beaucoup d'autres façons de raconter cette histoire. Par exemple, ce soir, ça sera Assassin's Creed Syndicate avec l'historien Charles-François Matisse de l'université Bordeaux-Montaigne, donc toujours à Bordeaux. Et puis des réflexions plus générales sur l'écriture vidéoludique de l'histoire. Ça sera avec, entre autres, Alexandre Lafont à propos de la Première Guerre mondiale, Clément Puget ou encore Antonin Congis. Et donc, à Bordeaux, évidemment, vous pouvez aller sur le site de la Fabrique de l'Histoire pour pouvoir vous renseigner sur toutes ces manifestations. Restez avec nous, Lorenzo Benigni, parce que la deuxième partie de cette émission n'est pas très éloignée de la première, bien évidemment. The mummy, is it dead or alive? Human or inhuman, you'll know, you'll see, you'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. Ah! There There's nothing on earth like the mummy. Mortimer, voyez, la passerelle a disparu. Il faut descendre dans le fossé. Oh, qu'y a-t-il? Les crocodiles, là, dans l'eau. Mais le fossé est à sec. Non, il se remplit. L'eau monte. Oh, quelle horreur! Voyez, Ulrich, il est comme fou. Le diable t'emporte, maudit pharaon. Avant de mourir, je broierai ta momie avec cette hache. Je la réduirai en poussière. Tiens, arrête! Abdelrazek. Ah, c'est toi, vieux forban. Ce sont des tours de magie, alors. Mais je ne suis pas charqué, moi. Tu vas voir. Aorus, demeure. The Mummy, the living dead, bringing terror and death across 4,000 years. He was a high priest of the great god Karnak, until one night he attempted the ultimate in blasphemy. He was condemned to guard forever the princess he had loved and protect her from intruders. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une Fabrique de l'Histoire qui cette semaine s'intéresse à la fascination mutuelle de la France pour l'Égypte et de l'Égypte pour la France, et plus particulièrement aujourd'hui des représentations de l'Égypte pharaonique dans la fiction. Alors Nolwenn Corriou, vous êtes avec nous parce que vous avez soutenu une thèse, c'était en décembre dernier, sur cette question du retour de la momie, c'est comme ça qu'elle était intitulée, mais elle parlait plus largement de la place de l'Égypte antique dans le roman et la fiction britannique entre les années 1880 et 1937, l'avant-seconde guerre mondiale. Alors, ce qu'on vient d'entendre, beaucoup de cris hein, quand même, hein, ça crie beaucoup. La momie, ça fait peur. Oui, ben, c'est un cadavre ambulant, donc oui, c'est assez inquiétant par le principe même. La raison principale pour laquelle, donc c'est ce sur quoi j'ai travaillé dans ma thèse, la raison principale pour laquelle la momie faisait peur, c'est qu'elle était vue comme une sorte de figure du colonisé. Donc on rentre dans les représentations impériales aussi, mais l'Égypte fascine aussi parce que c'est, je pense, à part la civilisation maya, la seule civilisation où on peut vraiment voir les morts. Voir les morts, c'est ça, avoir un contact avec les personnes disparues. Vous expliquiez très bien d'ailleurs que dans la fiction, en tout cas britannique, on aurait pu aussi, comme dans Raskar Kapak, dans Tintin, faire ressurgir justement des momies venant d'Amérique du Sud, mais que ça n'a pas été le cas et c'est vraiment l'Égypte qui a été privilégiée par les créateurs britanniques du 19e siècle comme étant justement ce lieu de la résurrection des morts qui pouvait faire peur aux colonisateurs qui étaient la Grande-Bretagne. Oui, exactement. Il y a quelques nouvelles qui parlent de momies inca, mais elles sont très très peu nombreuses et elles reproduisent essentiellement le schéma de la malédiction de la momie égyptienne, donc une momie qui revient à la vie et qui revient hanter celui qui a ouvert son tombeau et commis un sacrilège. Mais la momie égyptienne dans la littérature britannique, en fait, c'est la convergence de plusieurs peurs qui animaient les victoriens. Donc la peur d'un réveil nationaliste des colonies qui allait se rebeller contre la puissance impériale. Exactement. Et également... La peur de la femme aussi. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Le côté... politique intérieure également, la Grande-Bretagne, avec le mouvement des suffragettes qui commence à émerger. Et, parce que la momie, c'est toujours féminin, dites-vous, dans ses écrits du 19e siècle. Enfin, très rarement, il y a des momies masculines, mais la plupart des momies sont des momies féminines qui se réveillent. Effectivement, oui. Il y a, parmi les textes les plus connus, il y a une momie masculine qui est celle de... qui n'a pas de nom, qui s'appelle juste L'eau 249 dans une nouvelle de Conan Doyle qui porte le même titre. Mais sinon, effectivement, ce sont des femmes parce que l'archéologue est un homme de manière générale et donc il y a aussi toute une thématique romantique qui s'installe entre la momie et l'archéologue. Oui, parce que l'archéologue, dites-vous, viole le tombeau. Ce tombeau est empêché par évidemment quelque chose qui le bouche et vous faites un parallèle que je n'avais jamais imaginé moi-même mais qui est tout à fait probant entre le viol et la brisure de l'hymen et ce viol du tombeau et donc derrière la momie est féminine, donc, et elle va se réveiller et réveiller effectivement les peurs d'un empire qui conquiert à ce moment-là l'Égypte. Oui, la métaphore sexuelle est très très utilisée dans le corpus que j'ai étudié. On voit les scènes en particulier de débat de l'étage, la momie sont extrêmement sexualisées. Il y a une sorte de déshabillage de la momie quand on retire les bandelettes et il y a vraiment une thématique du viol qui apparaît dans ces descriptions qui sont des scènes donc c'est de la littérature victorienne, donc ce n'est pas d'un érotisme fou, mais tout de même c'est extrêmement sexualisé ces scènes-là, donc on représente vraiment la momie comme un intérêt romantique et sexuel. Victor Massé de l'Épine. Ces scènes de débande l'étage de momie que vous évoquez, Nolwenn Corriou, c'est pas simplement quelque chose qui a lieu dans les romans qui sont le corpus de votre thèse, mais ce sont des mises en scène, des opérations qui ont vraiment existé et qui étaient très populaires à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, donc on comprend ce que c'est, des bandelettes et une momie, mais dans quel cadre c'était fait? Qui venait assister à ces choses-là? Est-ce que c'était scientifique ou est-ce que c'était vraiment un peu dans l'ambiance de freak show ou quelque chose de... Oui, c'est entre les deux. Vous en connaîtrez peut-être plus que moi sur le sujet, mais il y avait effectivement... c'était théoriquement des opérations scientifiques, mais c'était aussi des grands spectacles. L'Égypte est toujours représentée comme un spectacle, c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi. Et donc, il pouvait y avoir 2000, 3000 invités qui achetaient un ticket pour venir voir le débat de l'étage, et c'était assez spectaculaire. Lorenzo Mellini. Effectivement, c'était scientifique, mais il faut aussi remettre toujours en contexte. Donc, pour nous, probablement, ça nous paraît effectivement quelque chose plus qui vire vers le freak show, comme vous dites. Mais il y avait, au contraire, aussi un aspect officiel. Mmh. Un aspect officiel, comme la représentation de l'Égypte antique dans la grande exhibition, enfin, la grande exposition universelle de 1851, dans le Crystal Palace, ou encore des reconstitutions de segments de temples d'Abou Simbel ou encore de Karnak dans le Londres du 19e siècle, en l'occurrence, Nolwenn Corriou. Oui, d'ailleurs, ça m'évoque les reconstitutions d'Ubisoft, parce qu'il y avait énormément de problèmes par rapport aux proportions dans ces reconstitutions, justement, au Crystal Palace. Je crois qu'ils avaient doublé les volumes de plusieurs éléments. Mais oui, l'Égypte, c'était vraiment un spectacle grand public. On allait voir les reconstitutions. Le British Museum également, on parlait de Belzoni, avait énormément de pièces spectaculaires qui sont arrivées dans les années 1820-1830. Et qui était déjà très très populaire. Victor Massel d'Épinay. C'est des bandes l'étage de momie, comme la découverte d'un tombeau dans lequel on pénètre peu à peu, porte en soi une part de suspense, une part de mystère. Est-ce que au terme du débat de l'étage, on va découvrir un corps en bon état ou non? Est-ce que au fond de telle sépulture ou de telle mastaba, on va découvrir un trésor? C'est pour ça que la littérature s'est emparée de cette archéologie égyptienne, puisque vous avez évoqué assez vite les questions politiques, la Grande-Bretagne qui occupe l'Égypte entre 1882 et 1923. Des années 1920. Mais qui reste très présente après. Hein, quand... mais avant cela, il y a quand même un intérêt littéraire pur et peut-être qui est plus du côté du romantisme dans la première moitié, dans les années 1850, qui fait que les auteurs s'emparent de ce thème de l'Égypte et de l'égyptologie. Oui, chez les auteurs français, je pense à Gautier en particulier, le roman La momie et Le pied de momie. On prend vraiment ici le parti du romantisme, mais à partir des années 1860 et dans la littérature britannique et américaine, c'est clairement le récit La malédiction de la momie qui va prendre le dessus. Le premier texte qui met vraiment en scène La malédiction de la momie, c'est un texte étrangement d'ailleurs de Louisa May Alcott, donc l'auteur des quatre filles de Dr. March, qui a écrit le premier récit en 1869. Sur la malédiction de la momie, et ça coïncide aussi avec la construction du canal de Suez, donc c'est à ce moment-là que l'Empire britannique a commencé à se sentir menacé et voilà, commencé à envisager d'être déstabilisé, et donc on date les récits, l'émergence du récit de malédiction de la construction du canal de Suez également. Et il y a aussi dans cette façon de voir l'Égypte à la fois la question de l'Égypte éternelle, dites-vous, Nolwenn Kauriou, mais également cette façon de la dévoiler, cette Égypte. Et vous insistez beaucoup sur ce terme du dévoilement. On en parlait l'autre jour à propos du dévoilement des femmes sur le forum d'Alger pendant la guerre d'Algérie. C'était un autre type de dévoilement. Mais là, en l'occurrence, c'est un dévoilement symbolique, dites-vous, et qui est utilisé par tous les auteurs qui travaillent ou presque qui travaillent sur cette Égypte. Il faut la dévoiler. Alors évidemment, ils ont vu des femmes voilées dans les rues du Caire ou dans les rues d'Alexandrie. Mais il y a aussi une dimension supplémentaire, selon vous, Nolwenn Kauriou. Oui, alors par rapport à la comparaison avec les femmes voilées vues sur les rues du Caire, effectivement, la momie était représentée comme une femme orientale, selon les stéréotypes de l'orientalisme, donc une femme extrêmement blanche, aux yeux noirs et aux longs cheveux qui tombent en longues boucles, etc., et qui est donc également mystérieuse et qu'on va devoir donc déshabiller, dévoiler pour la comprendre. Et donc c'est à la fois le mystère de l'Égypte qui doit être révélé à la fin de ce dévoilement. Et oui, non, c'est ça. C'est simplement le mystère de l'Égypte qui apparaît au fur et à mesure qu'on va comprendre. Tout d'abord, pardon pour l'approximation de tout à l'heure, la fin des troupes anglaises en Égypte, c'est 1936, donc c'est un peu plus tard que ce que j'avais dit. On a évoqué le contexte politique, il y a aussi un autre contexte, cette fin du 19e siècle, c'est aussi les années de Freud, l'invention de la psychanalyse. Et évidemment, ça joue dans les fictions qui vont suivre, celle du tout début du 20e siècle, mais Freud lui-même est lecteur de certains des auteurs que vous étudiez, certains des auteurs qui font ces romans sur le retour de la momie. C'est mummy fiction. C'est mummy fiction, et Freud va s'en inspirer de certaines. Je pense à une qui s'appelle She, qui raconte l'histoire de la reine Ayesha, qui est donc immortelle et qui attend la réincarnation de son amant qu'elle a assassiné et qui va reconnaître dans un des archéologues son amant. Freud va faire de cette reine Ayesha un archétype de la femme dans l'interprétation des rêves, en l'occurrence. Oui, Freud était passionné d'archéologie. D'ailleurs, il était lui-même collectionneur. Alors, il était plus fasciné par les objets eux-mêmes. Je crois qu'il n'avait pas des connaissances très, très poussées en matière d'égyptologie ou d'archéologie de manière générale. Mais il était très friand des objets qui pour lui, constituaient une forme d'image de l'inconscient. Il travaillait toujours avec des statuettes devant lui, en particulier des statuettes égyptiennes. Et effectivement, ce qui apparaît également dans le dévoilement de la momie, c'est un dévoilement de l'inconscient, donc cet inconscient impérial, la culpabilité des Britanniques par rapport à l'impérialisme. Il y a aussi un inconscient qui relève de la peur de la dégénérescence qui marquait aussi la fin du 19e siècle. De l'Angleterre victorienne, justement. Oui, exactement. À la suite, justement, des découvertes de Darwin, on avait l'évolution indiquait qu'on pouvait aller aussi vers une forme de dégénérescence et que l'homme n'était pas fixé dans sa forme actuelle. Et ce qui est extraordinaire dans votre corpus de textes sur lesquels vous avez travaillé, Nolwenn Kauriou, c'est que tous les plus grands auteurs de l'Angleterre victorienne s'y sont donnés. Bram Stoker, évidemment, on connaît pour autre chose, mais vous avez cité tout à l'heure Conan Doyle et bien d'autres. Ce ne sont pas des auteurs mineurs qui se sont intéressés à cette littérature de mummy fiction. D'ailleurs, mummy fiction et mommy fiction, entre la mère et la momie, il y a une assonance en tous les cas. Il y a quelque chose à voir. Oui, c'est pas un hasard. C'est aussi les Britanniques se réclamaient de l'Égypte antique. Donc revenir en Égypte, c'était un retour aux origines. On voyait l'Égypte comme l'ancêtre de la civilisation, donc de la civilisation ultime, c'est-à-dire la civilisation britannique. Au 19e siècle, donc retourner en Égypte, c'était le pays de la momie. Et donc en anglais, évidemment, il y a le double sens, mummy, la mer et la momie. Donc ça a été très largement utilisé aussi par les auteurs qui voulaient montrer que finalement, l'occupation de l'Égypte n'était pas illégitime puisqu'on reprenait ses droits sur un pays qui finalement était l'ancêtre de l'Angleterre victorienne. Et ce qui est quand même très drôle, c'est qu'ils ont choisi l'Égypte. Ils auraient pu choisir la Grèce ou Rome. On en parlait tout à l'heure avec Lorenzo Medini comme mère de la civilisation européenne. Et en fait, ces récits sur, en particulier, les pharaons, les momies, les pyramides, les tombeaux inviolés qu'on va violer, eh bien, c'est sur l'Égypte que ça se passe. Oui, mais je pense que c'est la très très grande antiquité de l'Égypte qui fait qu'elle est, elle est considérée comme... comme l'ancêtre même justement du monde gréco-romain. Nerval parle de l'Égypte également comme l'origine de la civilisation européenne et française. Et donc l'Égypte était réclamée de manière générale. Quand Assassin's Creed s'appelle, pour le Assassin's Creed consacré à l'Égypte, Assassin's Creed Origins, ça veut dire ça, Lorenzo Bellini? Oui, bah, bien sûr, c'est aussi... Les Grecs eux-mêmes, quand on lit Platon, ils situent l'origine des choses en Égypte. Ou Hérodote ou d'autres. Oui, puis les concepteurs d'Ubisoft ont beau faire ce qu'ils veulent avec l'histoire, ils auront du mal à nous mettre un assassin au néolithique. Donc il faut bien. Ça a l'air plus compliqué. Nolwenn Goriot, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez, pour la borne de fin de votre du corpus littéraire que vous étudiez, c'est dans les années 1920. Pourquoi est-ce que vous arrêtez à ce moment-là, au moment où en Angleterre la malédiction de Toutankhamon a agité l'actualité, parce que la malédiction de Toutankhamon, c'est donc ces archéologues qui ont trouvé le sarcophage de Toutankhamon, qui ont, pour certains d'entre eux, péri dans des conditions mystérieuses dans les mois ou les années qui ont suivi. Ça a évidemment beaucoup agité l'Angleterre. Est-ce que c'est la réalité qui rattrape la fiction, ou est-ce que la fiction avait préparé tout ça? Mais surtout, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez dans les années 20? Qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement... L'intérêt pour les romans de momies commençait un petit peu à se tarir après la Première Guerre mondiale. L'Empire qui inquiétait finalement n'inquiétait plus tant que ça, parce qu'il y avait des problèmes plus proches en Europe. Et justement, la malédiction Toutankhamon a un peu suscité à nouveau l'intérêt pour l'Égypte antique. Il y a eu quelques textes encore après, en particulier une nouvelle d'Agatha Christie qui s'appelle L'aventure du tombeau égyptien en 1924. Mais après, dans les années 30, l'Égypte disparaît un petit peu. Il y a beaucoup, beaucoup moins de récits de momies, ou alors ça passe plus dans la littérature américaine sur laquelle je n'ai pas travaillé. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça migre de l'autre côté de l'Atlantique et ça devient une fiction qui est très courue. Boris Karloff joue en 1932 dans La Momie, mais jusqu'à aujourd'hui, on a des remakes de La Momie, des retours de La Momie, des nuits au musée où les momies, évidemment, s'agitent pendant la nuit dans des films de fiction drôles et assez ironiques. Et on voit bien, effectivement, que Hollywood a repris cet héritage qui était né dans l'Angleterre victorienne, mais peut-être déterritorialisé d'une certaine façon, sans l'ancrage que vous avez bien pointé dans votre travail de thèse, Nolwenn Goriot, avec l'impérialisme britannique en particulier. Oui, et les momies des films sont très différentes finalement des momies des romans. C'est vraiment juste le cadavre putréfié, grimaçant, qui va poursuivre sa victime sans parler. C'est très différent. Les momies des romans, comme je disais, ce sont des femmes, alors que dans les films, ce sont des hommes, à part dans justement le film de l'année dernière avec Tom Cruise. Et ce sont au contraire des femmes extrêmement bien conservées. Ce sont des figures de séductrices, pas des cadavres putréfiés. Donc Hollywood a axé évidemment ces films sur le côté spectaculaire et grotesque de la momie, ce qui n'est pas du tout le cas dans les textes. Victor Massel Lépinet. Vous évoquez ce film sorti en 2017 avec Tom Cruise, un film d'Alex Kurtzman. Est-ce que vous l'avez vu? Il y a une particularité peut-être, c'est que cette momie, alors vous allez peut-être nous dire pourquoi, mais cette momie est irakienne et l'archéologue Tom Cruise est archéologue et militaire américain. Oui, j'ai vu le film, donc c'est deux heures de ma vie que je ne reverrai jamais. Oui, c'est intéressant justement parce que ce film, aussi mauvais soit-il, finalement, reprend énormément d'idées du roman archéologique de la fin du 19e siècle, justement, donc la momie découverte en Irak. Alors c'est une momie égyptienne, mais qui a été éloignée de l'Égypte, je crois, à cause du danger qu'elle représentait. Donc on a essayé de l'éloigner géographiquement. Mais évidemment, ça prend tout son sens aussi dans le contexte politique. C'est le nouvel impérialisme américain. Exactement. Et donc l'ennemi s'est déplacé. Ce n'est plus l'Égyptien, mais c'est l'Irakien. D'ailleurs, le film commence sur un groupe qui ressemble à l'État islamique, qui est en train de détruire des temples. Oui, c'est ça, un site qui ressemble un petit peu à Palmyre. Oui, parce que l'archéologue sauve, bien sûr, là, les ruines archéologiques. Ça, c'est une question assez formidable, Lorenzo Medini, vous qui êtes égyptologue, c'est tout compte fait de se voir rattraper par ces nouvelles couches d'interprétation alors qu'on fait son propre travail, et de voir comment la fiction, sans même que on vous consulte, on peut vous consulter de temps en temps pour Assassin's Creed Origins, mais pour d'autres cas, ça n'est pas le cas. Et donc la fiction va vous raconter une autre histoire, et va raconter une autre histoire à un très grand public, bien plus grand que celui que vous pouvez avoir en tant qu'égyptologue. Bien plus grand, effectivement. Là, on ne pourra plus rattraper après ce film, c'est fini. Mais ça fait partie aussi de l'enjeu, bien sûr. On voit ces interprétations qui sont données, effectivement, encore une fois, qui en disent plus probablement sur la momie aujourd'hui en 2017-2018. Le début que Nguyen évoquait, effectivement, ancre le film dans une réalité très contemporaine, même si effectivement après tout le reste fait partie, je pense, en plus d'un projet un peu plus vaste, de faire revivre certains personnages littéraires, ce qu'il y a aussi le Dr Jekyll qui est dans la momie, donc c'est assez, un duo assez improbable. Mais ben oui, mais c'est comme ça, effectivement c'est une des particularités, je pense, avec l'égyptologie, c'est qu'on est toujours en train d'essayer de réajuster un peu le tir par rapport à ce qu'on l'actualité peut nous montrer de l'image que finalement aujourd'hui on a de l'Égypte. Et vous-même, vous allez publier votre thèse, on peut l'espérer en l'occurrence, Nolwenn Goriot, on pourrait la lire, parce que là pour l'instant vous nous l'avez confiée pour qu'on puisse la lire pour préparer cette émission, mais est-ce qu'il y aura une version ou des articles qui sortiront de cette thèse autour de cette question de la momie et de sa représentation dans l'Angleterre victorienne entre les années 1880 et la Seconde Guerre mondiale? Alors, la publication est en projet, donc ça devrait voir le jour dans quelques années, peut-être. Victor Massé-Lépine. Et en attendant, est-ce que vous avez un roman de momie fiction traduit en français, parce que vous les lisez en anglais, à nous conseiller? Le meilleur selon vous ou le plus intéressant? Alors, mon texte préféré, c'est un roman qui s'appelle, alors en français la traduction, c'est Celle qui dormait, d'un auteur qui s'appelle Sax Rohmer, qui n'est pas très connu, enfin il est connu pour Fu Manchu, c'est ça. Oui, parce qu'ils sont tous auteurs, ils sont tous auteurs par ailleurs de Dracula ou de Sherlock Holmes, enfin ils ont d'autres personnages de fiction très importants dans notre imaginaire, en plus de celle des momies. Oui, et ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il il utilise tous les procédés narratifs de la fiction victorienne. Il est un petit peu plus tardif, il a été écrit en 1928, pour en fait tromper le lecteur. Et donc on voit cette momie qui revient à la vie, qui finalement est une actrice française, qui est déguisée en momie, etc. Donc il est assez intéressant dans son utilisation d'un roman dont finalement il se moque révéler... le ridicule de ces momies qui revenaient à la vie en série pour se venger des archéologues. Merci à vous, Nolwenn Goriot, et puis pour tous ceux qui voudraient, en plus d'Assassin's Creed, s'intéresser à la naissance de l'égyptologie qui sera au cœur du documentaire que vous ferez demain, vous pouvez lire la bande dessinée chez les excellentes éditions Flebeleb, donc Voyage en Égypte et en Nubie de Gian Battista Belzoni, donc qui est le père ou un des pères de l'égyptologie moderne au 19e siècle, par Grégory Jarry, Lucie Castel et Nicolas Augereau, qui racontent comment ce géant est allé jusqu'en Égypte pour y faire des travaux d'ingénieur hydraulicien et pour devenir en fait un des premiers égyptologues et piller assez consciencieusement le patrimoine égyptien et le ramener en Grande-Bretagne, c'est cela ? Tout à fait. Et donc votre documentaire de demain va raconter, alors est-ce que c'est un pillage ? Ce n'est pas un pillage, c'est pour la science, pour la connaissance, enfin, c'est la naissance de l'égyptologie française. Oui, et on parle... Nous ne sommes pas avec Lord Elgin, ce coup-ci on est avec des Français qui font un travail pour le monde entier. Absolument, et on sera centré sur le père de l'égyptologie qui est Champollion, le père de l'égyptologie parce qu'il a déchiffré les hiéroglyphes, mais qui a aussi été quelques années plus tard, en 1826, nommé par Charles X... premier conservateur des salles égyptiennes du musée du Louvre, et c'est au Louvre, d'une certaine façon aussi, que l'égyptologie est née. C'était un peu la question, est-ce que la muséographie, la façon dont Champollion a choisi de présenter et d'ordonner ses pièces, a donné aussi les cadres à une discipline scientifique? C'est donc le documentaire de demain, on en écoute un extrait. L'égyptologie n'est pas née au musée du Louvre. Elle est née à Paris, chez Champollion. Il habitait tout à côté, de l'autre côté de la Seine. Elle est née avec lui. Même s'il était dans l'air du temps, il n'était pas le seul à chercher, c'est lui qui a trouvé. Il paraît donc nécessaire, et c'est l'avis de monsieur le directeur général des musées, de faire des monuments égyptiens une division spéciale du musée du Louvre, à laquelle il devient alors indispensable d'attacher un conservateur chargé de la former, de la mettre dans l'ordre méthodique exigé par le goût général pour les études égyptiennes, d'en dresser l'inventaire authentique, afin de faire connaître au monde savant les richesses que la France possède en ce genre. La justice due à M. Champollion, dont les découvertes ont créé cette nouvelle source d'instruction, m'engage à le proposer pour cet emploi. Donc nous sommes ici au premier étage de l'aile sud de la Cour Carrée, secteur Sully, dans les salles qui ont été attribuées par Charles X au nouveau musée égyptien. Le musée égyptien du Louvre a été créé le 15 mai 1826 par un décret de Charles X pour Champollion, qui allait en être le premier conservateur. Il y avait eu un embryon de salle égyptienne ouvert en 1817-1818, une salle qui s'appelait la salle de l'Isis, avec quelques objets égyptiens, mais surtout des objets dits égyptisants, donc des objets de l'époque romaine, faits dans le style égyptien. Et c'est véritablement avec ces salles Charles X de Champollion que le département des antiquités égyptiennes du Louvre naît et que le Louvre accueille donc le premier ensemble de salles dédiées à cette civilisation. Ce qu'a fait Champollion, c'est qu'au moment même de l'ouverture des salles égyptiennes du musée Charles X, eh bien, il a produit un guide. Parce qu'il avait une démarche vraiment pédagogique aussi, il a voulu accompagner le visiteur avec un guide dans lequel il a bien sûr décrit les objets assez précisément. C'est toujours intéressant de voir les plafonds des salles Charles X. Ils datent de l'inauguration, 1827. Vous avez l'expédition d'Égypte qui est représentée. Vous avez les plaies d'Égypte qui sont représentées, le rapport à la Bible. Et vous avez enfin le plafond de l'Égypte se dévoilant à la Grèce, qui est représentée en allégorie féminine comme il se doit, avec une chouette à ses pieds. Et l'Égypte, elle, est en face, un peu alanguie sur un trône, et elle se dévoile, c'est Isis dévoilée. Les thèmes de ces plafonds des salles Charles X sont vraiment là pour illustrer tous les enjeux, le potentiel, la conscience historique qu'ont les conservateurs et les savants de ce qu'ils font, etc., etc. Voilà donc pour cet extrait du documentaire de demain que vous avez réalisé avec Marie-Laure Ciboulet, Victor Massé de Lépinien, où vous serez toute la semaine avec nous pour évoquer ces rapports entre France et Égypte. Rappelons que mercredi, vous promènerez dans la nouvelle exposition consacrée au canal de Suez à l'Institut du Monde Arabe à Paris, et que jeudi, nous débattrons de la présence d'un roi de France, à savoir Saint-Louis, en Égypte pendant une croisade. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcé et par Francesca Fossati. Yanis Djoudad était en compagnie de nous, en notre compagnie donc pour la technique, et nous l'en remercions, et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Merci à vous deux, Lorenzo Medini et Salwan Corio.